père de famille. 3, 4. C'était un homme ordinaire, un fils, un mari, un père. C'était un homme ordinaire, un fils, un mari, un père. Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés. Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés. Face à lui, vivante et fière, une victime en colère. Face à lui, vivante et fière, une victime en colère. Décida qu'il était temps que la honte change de camp. Décida qu'il était temps que la honte change de camp. Avec Gisèle, pour toutes celles qui subissent chaque jour leur violence, via ce procès, décida d'exposer ces bons pères de famille et leurs immondes manigances. 50 hommes ordinaires, pompiers, routiers, militaires. 50 hommes ordinaires, pompiers, routiers, militaires. Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés. Qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés. Face à eux, vivante et fière, une victime en colère. Face à eux, vivante et fière, une victime en colère. Décida qu'il était temps que la honte change de camp. Décida qu'il était temps que la honte change de camp. Ainsi Gisèle, pour toutes celles qui subissent chaque jour leur violence, via ce procès, décida d'exposer ces bons pères de famille et leurs immondes manigances. Combien d'hommes ordinaires et protégés par leurs frères. Combien d'hommes ordinaires et protégés par leurs frères. Mériteraient de se trouver sur le banc des accusés. Mériteraient de se trouver sur le banc des accusés. Face à eux, vivantes et fières, toutes nos sœurs en colère. Face à eux, vivantes et fières, toutes nos sœurs en colère. Déciderait qu'il est bien temps que la honte change de camp. Déciderait qu'il est bien temps que la honte change de camp. Avec Gisèle, pour toutes celles qui subissent chaque jour leur violence, via ce procès, il est temps d'exposer ces bons pères de famille et leurs immondes manigances.